Bretagne et ses origines. J'ai beau être blanc, mais j'en parle dans mon bag jean. Dis ce que tu veux, personne renie ses origines. J'ai beau être blanc, mais musulman, je reste à mon JD. Dis ce que tu veux, personne renie ses origines. J'ai beau être blanc, mais j'en parle dans mon bag jean. Dis ce que tu veux, personne renie ses origines. J'ai beau être blanc, mais musulman, je reste à mon JD. On m'a dit que mon chant était vénère, qui tape sur le système. Mais active les nerfs, tu peux rien si c'est du marin, c'est. En espérant que c'est un cauchemar, je fais que de me pincer. Je suis venu dans ce pays qui promet le bonheur. Mais tout ce que j'ai eu, c'est des douleurs profondes qui me font arrêter d'être parti de mon bled. Je représente faire la Bosnie, de tous la Sarajevo, mon peuple, je salue. Salam alaikum et merhaba ceux qui ont survécu, qui ont gardé la tête haute malgré tous ces obus. Y'a mes moudjahidines qui les ont combattus. Pourquoi les musulmans dans le monde entier sont-ils mal vus? Pourquoi les juifs tous les jours un palestinien tue? Pourquoi un barbu pour m'a fait trembler l'humanité? Aucune réponse, ils veulent juste nourrir leur société. Dis ce que tu veux, personne renie ses origines. J'ai beau être blanc, mais j'en parle dans mon bag jean. Dis ce que tu veux, personne renie ses origines. J'ai beau être blanc, mais musulman, je reste un moudjahidine. Dis ce que tu veux, personne renie ses origines. J'ai beau être blanc, mais j'en parle dans mon bag jean. Dis ce que tu veux, personne renie ses origines. J'ai beau être blanc, mais musulman, je reste un moudjahidine. T'as beau être black, beurre, gazé et chier sur les blancs. Je continue de faire mon taf, je fais mon job à plein temps. La couleur de ta peau, c'est pas ça l'important. C'est ce que tu craches au micro, écoute pas ce que disent les gens. Si je m'arrêtais à ça, j'aurais déjà raccroché. Voir ma femme approcher, trop de rage en aurait fait. Un bap trop au mic, y'en a pas des milliers. Trop de fois où je les mag, finiront humiliés. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas de couleur pour tenir un micro. Black, blanc, beurre ou noir, je montre que t'as les chromes, on s'en a pas de teint. Influencé par tous les styles, je représente les miens. Une jeunesse toujours hostile, tout dit au micro. On revendique nos origines, de la Bosnie à la France, même combat, même effigie. Les endroits d'où on vient, ça fait tout ce qu'on est. Tout dit, trop uni, trop longtemps qu'on se connaît. Dis ce que tu veux, personne renie ses origines. J'ai beau être blanc, mais j'en parle, j'ai mon bag jean. Dis ce que tu veux, personne renie ses origines. J'ai beau être blanc, mais musulman, je reste à mon JD. Tu veux, personne renie ses origines. J'ai beau être blanc, mais j'en parle, j'garde mon bag jean. Dis ce que tu veux, personne renie ses origines. J'ai beau être blanc, mais musulman, je reste à mon JD. Peu importe de ton origine. Origine qui fait que les gens te jugent et s'imaginent. S'imagine la vie que tu mènes. Mène ta vie et fais gaffe aux gens qui veulent te ken. Ken, parce que t'es pas comme eux. Eux qui te souhaitent un avenir affreux. Affreux sont tous ces racistes. Raciste, depuis pourquoi t'existes? T'existes parce que Dieu nous expose à des épreuves. Épreuves que tu dois gérer et faire tes preuves. Preuves que tu renies pas tes origines. Des origines que tu viens de France ou de Chine. De Chine. Et alors t'es un humain. Un humain qui veut manger son pain. Respecte toutes les origines qui t'entourent. Sinon la mort sera à ton tour. Dis ce que tu veux, personne renie ses origines. J'ai beau être blanc, mais j'en parle, j'ai mon bag jean. Dis ce que tu veux, personne renie ses origines. J'ai beau être blanc, mais musulman, je reste à mon JD. Dis ce que tu veux, personne renie ses origines. J'ai beau être blanc, mais j'en parle, j'ai mon bag jean. Dis ce que tu veux, personne renie ses origines. J'ai beau être blanc, mais musulman, je reste à mon JD.